aujourd'hui les suicides chez France Télécom. Notre invité Luc Payon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre quotidien partenaire, tous les 15 jours, le mardi c'est donc aujourd'hui, et vous êtes spécialiste à la rédaction de Libé des questions économiques et sociales. Vous avez suivi l'affaire France Télécom au moment de cette vague de suicides qu'on vient de vous raconter. Qu'est-ce qui vous a mis, vous, la puce à l'oreille au premier suicide? Vous avez fait un sujet où il a fallu en attendre plusieurs. Comment ça s'est passé? À quel moment la presse a réagi? Alors non, c'est pas forcément au premier suicide, parce qu'il y a eu des suicides les années précédentes, il y en aura encore, parce que dans une collectivité de 100 000 personnes, il y a forcément des suicides, qui sont pas tous liés au travail d'ailleurs. Ça a été effectivement la répétition de suicides sur lesquels les syndicats ont mis des mots, des liens avec le travail. Et effectivement, tout ce qui a été fait par cet observatoire du stress créé par Sud et la CGC a permis d'éclairer les médias sur la situation et de dire attention, ce n'est pas des suicides de droit commun entre guillemets, c'est des suicides qui en tout ou partie, parce que c'est effectivement très difficile de trouver les causes, en tout ou partie sont liés aux conditions de travail au sein de France Télécom. Alors finalement France Télécom a fini par le reconnaître, évidemment. Pas mal de temps, mais la situation était compliquée. Est-ce que aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, il y a encore des suicides? Qu'en savez-vous aussi? Qu'est-ce qu'on a comme information? J'ai arrêté de suivre de près ce qui se passe à France Télécom. Je sais qu'en 2010, il y a eu encore énormément de suicides. Est-ce que j'expliquais, c'est-à-dire que c'est une machine folle qui avait été créée quand même par Lombard en 2006, une machine qui avait été théorisée. Il y avait une réunion début 2006 de 200 cadres devant lesquels Lombard explique, voilà, il va falloir virer 22 000 personnes, il y en a 75% qui sont fonctionnaires, c'est pas possible de les licencier, il faut faire 14 000 mutations, tout ça dans les deux ans qui viennent. Il avait dit, mot pour mot, je les ferai d'une manière ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Donc Lombard était quand même très déterminé. Il avait théorisé tout ça, il avait créé une école de formation au sein de laquelle passaient les cadres de l'entreprise pour savoir comment virer les gens sans avoir à les licencier. Donc voilà, c'était une machine complètement folle qui s'était lancée. Il y avait des reportings réguliers sur les départs. Donc il y avait des formations spéciales pour forcer les gens à partir. On privait les gens de leur bureau. On construisait des fautes professionnelles quand on n'arrivait pas à gonfler celles qui avaient un début de commencement. On faisait repostuler les gens sur leur propre poste. C'est quand même d'une humiliation terrible. Et quand ça marchait vraiment pas, on les mutait à des centaines de kilomètres. Sachant que soit ils venaient de déménager, soit ils venaient de s'installer avec leur famille. Enfin, c'était d'une violence extrême. Et donc, effectivement, ce genre de machine, on a beau l'arrêter à un moment, elle s'arrête pas tout de suite. On a beau dire stop, ça continue parce qu'il y a eu diffusion au sein de l'entreprise de modes de management, de réflexes, d'individualisation des gens qui font que voilà, il y a forcément derrière encore des suicides liés au travail. Alors, on est loin, quand je vous entends parler attentivement du modèle. Évidemment, on en est forcément loin, mais bon, du modèle Michelin, par exemple, quand Michelin allait jusqu'à organiser la vie sociale dans les villes où ces usines étaient implantées. Donc, il y a eu un tournant à un moment. Il est quand et à quel moment il arrive, ce tournant? Alors, ce tournant, il date du début des années 80, avec c'est un mot un peu galvaudé, mais je ne connais pas d'autre, avec la montée en puissance du néolibéralisme et la financiarisation de l'économie, où on passe effectivement d'un capitalisme un peu paternaliste, où généralement celui qui détient les parts de l'entreprise et aussi celui qui la dirige, à un monde très ouvert, des capitaux fluctuants, et où on va avoir une détériorisation de la direction et une production à un autre endroit. Et on va avoir un capital flottant avec des gens qui dirigent qui ne sont pas forcément ceux qui détiennent l'entreprise. Et ça va créer des bouleversements énorme, puisque ça va avoir des répercussions évidemment sur le management. On va vivre un peu dans une crise permanente et la crise va être un mode de fonctionnement dans ces entreprises. Après, on a eu au fil des années jusqu'à récemment l'arrivée des boîtes de consultants qui vont vendre des produits, qui vont vendre des modes de management par objectif, des gestions par projet. On va en empiler les différentes façons de travailler, on va individualiser les gens, on va les faire se contrôler eux-mêmes en leur donnant des objectifs à dépasser. On va manager ce qu'on appelle par l'excellence, où il suffit plus d'être bon, il faut être excellent, il faut être meilleur que son voisin, et on va arriver à un système que le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques et Fabienne Hennig appellent l'organisation hypermoderne, où finalement c'est la lutte des places qui remplace la lutte des classes. Bon, alors est-ce que dans le même ordre d'idées, je ne pense pas que ce soit un détail, le fait qu'on soit passé de la direction du personnel, vous souvenez avant dans les entreprises, oui, on disait la direction du personnel, aujourd'hui à la DRH. Est-ce qu'il y a un message là-dessous ? À la GRH, à la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines. Où en fait, l'humain devient une ressource. C'est-à-dire qu'une ressource comme une autre dans l'entreprise. Mmh. Et c'est toute la novlangue qui va accompagner cette évolution managériale, ce libéralisme, où à la fois on met le mot humain, où on considère qu'on n'est plus... On n'est pas qu'un salarié, d'ailleurs on n'est plus un salarié, on est un collaborateur. Aujourd'hui, les gens ne disent plus salarié, ils disent plus collaborateur, on ne dit plus patron, on dit manager, et on ne dit plus membre, on ne dit plus personnel, on dit effectivement humain, mais une ressource humaine qu'on va gérer comme une ressource, une matière première ou d'autres intrants dans l'entreprise. Luc Payon, on va aller voir quelle est la situation aujourd'hui, pour les salariés d'Orange. Pour le comprendre, notre reporter Annaëlle Verzeau s'est rendu dans une boutique Orange sur les Champs-Élysées à Paris, avec Pierre Morville, qui est représentant syndical UNSAI, donc qu'on va entendre, et Laurent Rich, qui lui est représentant syndical de la CFDT, qu'on va entendre également. On les écoute, on en parle ensuite. On va rentrer. Bonjour. Alors c'est une boutique tout numérique, hein, c'est ça ? C'est ça, oui, des produits connectés. Une petite voiture. Il est écrit des trajets plus sympas quand on est connecté sur le dessus de la voiture. Mais installez-vous. Appuyez sur Play pour lancer l'expérience. Ok Google, itinéraire jusque chez maman. C'est quoi ça ? Ça s'est déclenché tout seul ? Oui, en fait, à partir de la montre, en fait, vous pouvez déclencher la musique, les appels, les SMS, directement depuis la montre connectée. D'accord, la montre qui est située à droite du volant. Exactement. Qui est accessible. Ça se vend combien, ça ? 129 euros, les montres. Pierre Morville, oui. on est bien loin, ici, dans cette boutique, de l'époque 2008-2010 et de la vague des suicides oui, France Télécom. Oui, ici, c'est plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et aujourd'hui ? Bah, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que la nouvelle direction a ouvert un cycle de négociations qui a duré pratiquement 2 ans et demi, dans lequel tous les aspects de la vie au travail ont été négociés, que ce soit l'emploi, les conditions de travail, enfin bref, dans des négociations relativement longues, relativement fructueuses, dans la mesure où un certain nombre d'accords en sont sortis, même s'il reste encore des motifs d'insatisfaction, des motifs d'inquiétude. Il y a encore un grand nombre de Alors, suicides. Alors, il y a toujours des suicides chez Orange. Je crois qu'il y en a eu en 2015, 14 sur les 7 premiers mois. Donc c'est quand même un chiffre qui, par rapport aux statistiques nationales, est supérieur, qui peut s'expliquer par l'âge d'abord, parce que nous sommes une entreprise senior. Nous avons une moyenne d'âge de 53-54 ans. Et alors, les personnes âgées se suicident plus, oui. Nous avons une population donc âgée qui a changé plusieurs fois de métier, qui doit, vu que nous sommes dans un environnement très concurrentiel, continuer à apprendre de nouveaux métiers, ce qui n'est pas toujours très facile. Il y a aussi certainement le traumatisme du changement de statut. Nous avons 60 000 fonctionnaires à France Télécom qui se sentent de moins en moins fonctionnaires. Allez, on part en week-end chez maman. Ok Google, itinéraire jusque chez maman. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait 30 000 suppressions de postes à prévoir d'ici à 2020. C'est certainement la question la plus difficile à résoudre parce que, mais là, c'est pas un plan de licenciement. Hein. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est justement dû à notre grand âge, à l'âge élevé des salariés qui fait que... Alors ça, c'est une partie seulement puisqu'il y a 17 000 personnes à peu près sur les 30 000 qui sont concernées par le plan de départ anticipé à la retraite. Oui, donc c'est pas tellement... Le problème n'est pas tant pour ceux qui partent, qui, d'une façon, sont peut-être heureux de partir en retraite et d'arrêter le travail, c'est ceux qui restent. On va travailler plus avec moins de personnel. 30 000 départs, c'est énorme, hein, pour une structure, même 200 000 salariés. Laurent Rich, Si on veut peut-être faire le lien avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qu'entre la période 2006-2009, l'entreprise devait faire 22 000 départs, qu'elle avait annoncé très clairement. Là, l'entreprise avait vraiment qu'un objectif, et d'ailleurs tous les managers étaient objectivés sur la nécessité de trouver dans leurs équipes des gens qui pouvaient potentiellement partir en retraite. Et de quelle façon, puisque les managers avaient un schéma, dont le titre était « Les courbes du deuil », et l'idée c'était de dire à un salarié dont on voulait se débarrasser, au départ, pourquoi il va être énervé, ensuite il va être déprimé, et ensuite il finira pourquoi par accepter. Est-ce que ça va se passer de cette façon-là ? Pourquoi cette formule aussi illégale que sadique ? C'est aussi le fait qu'on ne pouvait pas licencier des fonctionnaires. Comme on ne peut pas les licencier, eh bien on les poussait au départ par des moyens de pression, du harcèlement quotidien. Ça, c'est une pure folie dont on est enfin sorti. Là, au moins, on a une sortie, des formules de sortie qui permettent à chaque individu de volontairement et très librement choisir sa vie. C'est quand même un peu autre chose que de se faire pousser à la porte par du harcèlement. Là où ça ne va pas, c'est quand il n'y a pas reconnaissance. Et le problème de l'appartenance a par exemple été un des critères qui a été fortement retenu au moment de la crise sociale, c'est-à-dire que les salariés ne se retrouvaient plus dans cette entreprise, ils n'arrivaient plus à se reconnaître dans cette entreprise. Et maintenant, il y a une reconnaissance pour les salariés, vraiment ? Disons qu'il y en a, à une époque, il n'y en avait plus du tout. Cette phase-là est partie. Maintenant, il reste, comme dans toutes les entreprises, des problèmes d'adaptation, aussi des problèmes de salaire. On est une entreprise qui a une croissance du pouvoir d'achat extrêmement faible. Est-ce que vous voyez un avenir plus service public pour Orange ? Ou c'est fini ? Ou est-ce qu'il faut tirer un trait sur le service public ? Enfin, pour moi, je pense que c'est fini. Nous avons toujours des missions de service public. Par exemple, le fait qu'il y ait un système de télécommunication qui fonctionne pour l'ensemble des opérateurs, c'est nous qui en avons la charge. De ce point de vue-là, c'est une mission de service public qu'on continuera à avoir. Maintenant, le contact avec l'usager final sera plus de l'ordre du contact avec le citoyen ou avec l'usager d'un service public. Nous avons des clients et c'est ça notre réalité. Notre premier actionnaire, et de loin le premier, c'est l'État français. Donc l'État français à la fois organise le marché, puisqu'il est dans ses instances de régulation, et dans le même temps, il reste notre actionnaire. Il ne faut pas qu'il l'oublie. À un moment donné, pendant cette affaire des suicides, l'État français avait oublié qu'il était le principal actionnaire d'Orange et donc quelque part responsable de sa politique sociale. Je crois qu'il doit continuer à ne pas l'oublier parce qu'on souhaite évidemment que France Télécom reste avec un actionnaire public important. C'est bien évidemment l'État qui choisit les PDG, qui choisit la politique de tous les points de vue, puisqu'en même temps, dans les instances de régulation, il organise le marché. Donc l'attachement à la cause publique est important à France Télécom. Orange, je dis toujours France Télécom, moi. Et ça, vous avez entendu parler d'un rachat ? Régulièrement. À chaque fois que l'État cherche de l'argent, donc se débarrasser vendre les participations d'une entreprise qui marche bien, c'est toujours une tentation. Merci. Avec la fibre Orange 100% fibre, téléchargez et surfez instantanément. L'État, bah oui, parlons-en, Luc Payon, de l'État qui est présent quand même. Dans le capital, 15% autour, je crois. Donc ce qui rend peut-être l'affaire encore plus difficile à avaler, à accepter, c'est qu'il y a quand même l'État qui est garant de la protection des citoyens dans la rue ou au travail. Il y a cette dimension-là qui est choquante, moralement. Oui, mais en même temps, l'État est présent au capital de plusieurs dizaines d'entreprises. Il n'intervient pas, l'État. L'État, c'est plus une entreprise publique au sens juridique du terme. C'est une entreprise privée. L'État a une part du capital, mais il n'intervient pas. D'une manière générale, l'État, dans les entreprises auxquelles il a souscrit, il se comporte comme un actionnaire classique. Et alors, quand même, quand je parle de l'État, je pense aussi à l'inspection du travail. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas assez de contrôle qui empêche qu'on en arrive là quand même. À quoi il sert l'inspection ? On va poser la question ouvertement, il sert à quoi ? L'inspection du travail, alors qui vit en ces temps des heures difficiles, elle dresse des procès-verbaux, mais les procès-verbaux qui sont suivis par le procureur de l'inspection du travail, ça doit être moins de 1%. Vous imaginez bien que France Télécom, comme ailleurs, l'inspection du travail a quand même un pouvoir assez limité. Il y a des médecins du travail qui avaient donné l'alerte à nombreuses reprises dans le dossier France Télécom, il y en a certains qui ont même démissionné, mais même chose, les médecins du travail ont un pouvoir extrêmement limité. Et comment a-t-on laissé agir des cerveaux dérangés qui sont allés jusqu'à qualifier toute la procédure de courbe du deuil, sachant que le deuil renvoie à l'idée de la mort ? Encore une fois, tout ça avait été vraiment théorisé, pensé, on avait mis des mots... Prémédité, donc. Complètement prémédité. Mmh. Il y avait une réunion, encore une fois, en 2006, qui avait dit, on va faire partir tant de personnes, comme c'est pas possible de les licencier, bah, il faut les faire partir. Il y a une femme qui avait enregistré la réunion, on lui a demandé d'écraser son enregistrement. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment la conscience tranquille dès le début. Effectivement. Est-ce que la notion, ou la dichotomie, ou le rapprochement entre les notions de travail prescrit, de travail réel, joue un rôle dans cette affaire ? D'une manière générale, oui, la souffrance au travail, elle vient de ce fossé grandissant entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel, entre la multiplication des normes qualité, des normes sécurité, de la rentabilité financière, généralement avec moins d'effectifs, d'un encadrement d'une pluie de normes, et la réalité de ce qu'est le travail, c'est-à-dire que le travail, il se fait pas en recopiant ce qu'il y a dans les classeurs. Mmh. Le travail, il est toujours imprévu, il est réel, et cette dichotomie entre de plus en plus un travail prescrit, foisonnant, généralement prescrit par des gens qui sont loin du terrain, de plus en plus loin, et des gens qui doivent se débrouiller avec tout ça, cette dichotomie-là, oui, elle est génératrice de souffrance au travail et d'un vrai malaise. Et encore une fois, ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que le travail, et on en souffre d'autant plus quand ça se passe mal, que le travail est un élément essentiel de l'identité sociale, donc de l'identité tout court. Premier peut-être, oui. Un des premiers, et particulièrement en France. Donc, quand ça se passe mal au travail, ça se passe mal pour partout, soi, toute la vie. Et ça peut être vital. Bien sûr. Une expression, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est pas qu'est-ce que vous avez vu au cinéma, qu'est-ce que vous avez comme hobby, c'est qu'est-ce que vous faites comme travail. C'est quand même, ça résume assez bien c'est la vrai, place du vrai. Travail dans l'identité sociale des gens. Absolument. Alors, d'autres entreprises suivent le même chemin de ces transformations qu'on vient d'exposer, hein, changement de modèle, de paradigme économique, social. Il y a la SNCF, il y a la Poste. Est-ce que les leçons, à votre avis, ont été tirées de l'affaire France Télécom pour ces autres entreprises ? Oui et non. Je pense que si, il y a des managements qui font attention de pas répéter. C'est-à-dire que France Télécom, ça a quand même été le pire exemple. Ça a été la dérive absolue. Absolue. Non, ils répéteront jamais. Je l'espère ça. Mais en tout cas, ça reste quand même un mode de management qui est très présent dans les entreprises, dans les multinationales. Là, ça avait été organisé pour faire partir les gens. Mais d'une manière générale, on retrouve les signes de ce management dans toutes les entreprises, dans toutes les grandes entreprises. Donc, ça continuera de façon peut-être moins violente, mais c'est ce qui, aujourd'hui, structure le management. Et du côté des syndicats, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, entre guillemets, hein, surtout une résignation face à un système maintenant qui les dépasse, quoi? Alors, oui et non. La CFDT a beaucoup travaillé sur cette question. Il y avait un livre assez remarquable, « Travail intenable », qui a beaucoup enquêté là-dessus. Mais après, les syndicats dans les entreprises, c'est très compliqué, dans la mesure où quand vous multipliez l'individualisation, le management par objectif, vous cassez les collectifs. Vous cassez des équipes, vous cassez des solidarités. Donc ensuite, c'est très compliqué d'agir collectivement, syndicalement, pour se défendre. Vous cassez toutes ces défenses-là. Et du coup, effectivement, les syndicats, les sections syndicales peuvent se trouver démunies. Les confédérations... C'est ça, quand je parle de résignation, c'est pas volontaire. Ben, c'est se dire, voilà, on veut tout faire, et puis on n'a pas les moyens, quoi, parce que on est broyé aussi dans un système. Mais dans le dossier France Télécom, on le retrouve très bien dans le dossier. Les gens disent, mais oui, il ne travaillait plus, il était devenu la honte, je ne lui parlais plus, et finalement, les gens se trouvaient seuls. C'était marche ou crève. Il me reste à vous remercier, Luc Payon, pour les éclairages que vous nous avez apportés, adossés à votre expérience de journaliste spécialisé dans le social et l'économique au sein de la rédaction de Libération, qui, je vous le rappelle, est notre partenaire tous les 15 jours et tous les mardis, mais mardis tous les 15 jours. J'espère que c'est clair, oui, c'est à peu près clair, c'est bon. Je pense que tout le monde aura compris. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les suicides chez France Télécom en partenariat avec le journal Libération, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le fantôme de René Bousquet, l'ancien chef de la police de Vichy.